Ouais. Ouais. Et ça c'est le remix. Ça c'est le remix. Et ça c'est le remix. Ça c'est le remix. Ouais. Ouais. La brigade. La brigade. Ouais. Tu sais déjà. Tu sais déjà. Tu sais déjà. La brigade. Tu sais déjà. Tu sais déjà. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Et on s'en moque les gars, on continue même s'il en manque. Jusqu'au bout faut qu'on bosse. Car la vie c'est pas un hamac. Si on s'épuise, tu sais que c'est pour que ça baisse. C'est dans nos liens qu'on puise. Pour qu'enfin un jour nos âmes s'apaisent. Impossible qu'on se repose. La réussite ça se travaille comme hors du pharaon. Même si on repart à 11. Faut pas lâcher, brigade et garde à vous. Si c'est la guerre on a ce qu'il faut. Tu sens que ça barde à vous. J'entends parler dimanche aux folies. Où les frères dansent et s'alcoolisent. Moi je suis au KF, cause BF, K à l'obis. Échantillon de la GAD, assaut PNS. Pour que les gosses des gosses de la GAD naissent bien quoi. Mon blason, je suis partout. Les gars se demandent, est-ce mon toutou. L'argent double fidèle au sien, plus que d'est-ce mon toutou. Doudou, je suis tout oui, si tu me comprends. La vie ça use et la GAD, c'est le seul truc qu'on prend. Une déchirure, une blessure, une entaille profonde dans l'esprit. Une vie qui se définit par le mépris. Quoi qu'on a pour moi. La gade sur moi, une morsure serpent qui surprend. Eh, Satan m'attend. Et gars, j'serai pas le remords d'Adam. La vie sévère avec moi, comme un mec pervers. Sévère avec sa pute, non. Chaque jour j'lutte, non. J'lutte pour y arriver. La gade, y'a pas de remords, non. Y'a pas de remords, non. Même si ça me plaît pas. La gade, ouais. Même si ça me plaît pas. Non. La brigade. La gade, brigade. Non. Non. Même si ça. Même non. Si ça te plaît pas non. La brigade non. Et ça c'est le remix. Maudit, médite, j'médite mon clan crédite. Ton camp discrédite, prédit dilemme ici d'assimil. J'entrave ton espoir sans drogue inhalée. Pas naturale, blâme d'année. La mine fanée, la site saga. Saga from Africa. Toxic and toxic l'Occident. J'bafou l'excédent, fais dans le sacrifice. Sac ma paix, acidule résidu. Comme un psychiatre agréé par ma famille. L'analyse pénalise les sur select. Select une sentence délecte à des arsenés. Harcelé, sénile comme un schnappon. Dégaine le Nathan, n'attends pas de lexique pour mon diagnostic balistique. Certains t'en exploitent l'inexploitable. Ça peut discuter autour d'une table. Mais je regrette, j'ai pas ce temps là. Programmé pour entrer dans le vif du sujet. Le monde étant ce qu'il est. Beaucoup disent que la gare est perdue. C'est pas impossible, mais pas au programme. Face au noyau que nous sommes sur terrain vague. Un homme est un homme, pas de slalom. À 11 ou à 12 on donne. Je ne prendrai pas comme certains mes jambes à mon cou comme. Non, militant dans la pure tradition du village. L'agence P, un personnage, du BF, un héritage. À l'horizon, on sonnera aux frontières du Dura. À l'Occident, la pénétration se fera sur toutes les Duras. Sur les ondes, la force de l'ombre. Sortie de la pénombre, les 12 brigadiers de l'ombre. Ouais, dans la technique connue du pas vu pas pris. John Daido manipule pour son code de survie. Même si ça plaît pas. Même si ça plaît pas. D'esprit et le produit trop de sang versé. Inspiré du mal et du bien, j'ai composé ces versets. Car le cœur des frères se crée des abcès qu'on ne peut plus penser. Et c'est dans la défonce que leur argent est dépensé. Filons leur âme au diable comme des prostituées. Des porcs qu'on engraisse pour finalement être tués. Le savoir en tant qu'arme pousse mes frères à se détester. À renier leur négritude en falsifiant des textes. Seuls ceux qui savent sont libres, les autres restent esclavis. De leur ignorance et de l'image que renvoient les livres. Que le diable leur tend en ils ont fini par vivre des frères qui purgent leur temps. Et c'est pour un jour les voir libres que la gade brille. Camisole de force, de l'or, si homme des voix sans issue. Des grands actes ou des actes escrocs. J'avance comme un pion sur une case. Les buts déconnent au volant de leur banaliser. Faut réaliser, pas d'avenir dans un 100 mètres carré. Vu Champs-Elysées, j'élargis mon champ de fiction. Du travail ça fera fiction. Pas finir sauvagé comme Strokeite dans Pulp Fiction. Nouvel assaut, nouvelle tendance. La gade s'en forge, un bise de Black Benzen. Les losers peuvent pas blouser. Même si ça me plaît pas. Même si ça me plaît pas. La brigade. La gâte. Et ouais. Non. Même si ça me plaît pas. Même si ça me plaît pas. La brigade. La gâte. Et ouais. Non. Ça c'est le remix. Même si ça plaît pas. Même si ça plaît pas. La brigade.